impatient et avide d'ouvrir de nouvelles voies. Mais dans ton regard vide, je me perds à chaque fois. TikTok, esprit frappeur, je m'égare. Mais une fois passé le choc, je reviens dans la bagarre. Bouche muette, rictus, trop secrète en retard. Mais j'accepte le consensus car tes yeux sont bavards. De toi à moi, nous passons sous silence les tempêtes de crâne, le climat de confiance. Axel a subi la réplique d'un cataclysme cruel quand un cas semble unique, trou béant. Mais comment colmater la faille? Inaccessible fond entouré de murailles. Moi comme toi, pas un mur que de transgénique. Axel est ce test de nature génétique. Devenir ma peur banale. Quand je perçois dans tes yeux poindre une vague d'angoisse, des lignes là de fond, des ferlantes menaces. Quand dans le fond de ton âme, son lien s'abîme, je tente de surfer la vague de la psychose mutine. Axel, simple trouble dans mon destin. Je suis le monde qui l'entoure. Crayon, ta vie, sombre dessin. Dans le regard d'Axel, mes symptômes idiots atténués par ses mots, le son muet, explicite et amer, que je récite à ma fille qui fait de moi le revers. Et moi j'y pense parfois après mes 35 heures, parce qu'en l'aidant un peu, mes embrouilles font moins de zèle. Parce qu'en m'aimant un peu, j'abolis la pudeur qui atrophie le cœur, surtout celui d'Axel. Psychotique, pas tout illogique, autisme atypique.